Orphée. En Thrace, chez Orphée. Orphée a été représenté pour la première fois au Théâtre des Arts avec les Pitoyeffs à Paris le 17 juin 1926. Costume. On doit adopter les costumes de l'époque où la tragédie est représentée. Orphée et Eurydice en tenue de campagne, les plus simples, les plus invisibles. Leur tebise avec la côte bleue pâle des ouvriers, un foulard sombre autour du cou et des espadrilles blanches. Il est râlé, tête nue, il ne quitte jamais son appareil à vitre. Le commissaire et l'huissier portent des redingotes noires, des panamas, des barbiches, des bottines à boutons. La mort est une jeune femme très belle, en robe de bal, rose vif et en manteau de fourrure. Cheveux, robe, manteau, souliers, gestes, démarche à la dernière mode. Elle a de grands yeux bleus peints sur un loup. Elle parle vite, d'une voix sèche et distraite. Sa blouse d'infirmière aussi doit être l'élégance même. Ses aides ont l'uniforme, le masque de linge, des gants de caoutchouc, des chirurgiens qui opèrent. Décor. Un salon dans la villa d'Orphée, c'est un curieux salon. Il ressemble pas mal au salon des prestidigitateurs. Malgré le ciel d'avril et sa lumière franche, on devine ce salon cerné par des forces mystérieuses. Même les objets familiers ont un air suspect. D'abord, dans un box en forme de niche, bien au milieu, habite un cheval blanc. Les jambes de ce cheval ressemblent beaucoup à des jambes d'homme. À gauche du cheval, une autre petite niche. Dans cette niche, que du laurier encadre, se dresse un socle vide. Après le socle, à l'extrême gauche, une porte ouvre sur le jardin. Lorsque cette porte est ouverte, le battant cache le socle. À droite du cheval, un lavabo de faïence. Après ce lavabo, à l'extrême droite, une porte-fenêtre. Cette porte-fenêtre, dont on aperçoit le vitrage à demi poussé vers l'extérieur, donne sur une terrasse qui entoure la villa. Au premier plan à gauche, contre le mur, un vaste miroir. Au second plan, une bibliothèque. Au milieu du pan coupé de droite, porte ouverte sur la chambre d'Eurydice. Un plafond en pente ferme la scène comme une boîte. Deux tables et trois chaises blanches meublent la pièce. À gauche, une table à écrire et une des chaises. À droite de la scène, des fruits, des assiettes, une carafe, des verres, pareils aux ustensiles en carton des jongleurs. Sur la seconde table, recouverte d'une nappe qui touche le sol. Une chaise derrière cette table, de face, une autre près d'elle, à gauche. On ne pourrait ajouter ou supprimer une chaise, distribuer autrement les ouvertures, car ce décor est un décor utile, où le moindre détail joue son rôle, comme les appareils d'un numéro d'acrobate, sauf le ciel bleu et le bourrelet de velours rouge sombre qui borde en haut la petite porte du box dissimulant le milieu du corps du cheval, aucune couleur. Le décor rappellera les aéroplanes ou navires trompe-l'œil chez les photographes forains. Au reste, ce décor épouse des personnages et des événements d'une manière aussi naïve et aussi dure que le modèle étoile peinte se mélange sur le camailleux des cartes portraits. Le prologue. L'acteur chargé du rôle d'Orphée paraît devant le rideau. « Mesdames, messieurs, ce prologue n'est pas de l'auteur. Sans doute sera-t-il surpris de m'entendre. La tragédie dont il nous a confié les rôles est d'une marche très délicate. Je vous demanderai donc d'attendre la fin pour vous exprimer si notre travail vous mécontente. Voici la cause de ma requête. Nous jouons très haut et sans filet de secours. Le moindre bruit intempestif risque de nous faire tuer, mes camarades et moi. Exit. » Orphée, derrière la table de gauche, il consulte un alphabet spirit. Eurydice assise à droite près de la table servie. Eurydice. Je peux bouger ? Orphée. Attends encore une seconde. Eurydice. Il ne tape plus. Orphée. Il met quelquefois très longtemps entre la première lettre et les autres. On prévoit les autres. Ah, je t'en prie, n'est-ce pas ? Avoue que ce mot revient toujours. Orphée. M. M, cheval, continue, allons, vite, après la lettre M, je t'écoute. Eurydice, quelle patience. Toi qui n'as aucune tête, tu en trouves pour ton cheval. Orphée, j'écoute. Allons, cheval, M, M, après M. Le cheval bouge. Tu bouges, tu vas parler, parle, dicte-nous la lettre après la lettre M. Le cheval frappe avec son sabot. Orphée compte. A, B, C, D, E, C, c'est la lettre E. Le cheval remue la tête de haut en bas. Eurydice, naturellement. Orphée, hé, chut ! Le cheval frappe. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Je te défendrai. R, c'est bien la lettre R. M, E, R, mer. J'ai mal compté, voyons. Cheval, est-ce bien la lettre R ? Si c'est oui, frappe un coup. Deux, si c'est non. Le cheval frappe un coup. N'insiste pas. Écoute. Je te demande en grâce de te tenir tranquille. Rien Ne dérange ce cheval comme les personnes incrédules. Va dans ta chambre ou tais-toi. » Je n'ouvrirai plus la bouche, tant mieux. Au cheval, mère, mère, et après mère, voyons, M-E-R, mère, j'écoute, parle, parle-moi, cheval, cheval, allons, un peu de courage, après la lettre R. Le cheval frappe, Orphée compte, A, B, C, C, la lettre C, la lettre C, chère madame. Le cheval frappe, A, B, C, D, E, F, G, H, I, merci, c'était merci, est-ce tout, est-ce merci tout court? Le cheval remue la tête de haut en bas. C'est formidable, tu vois, Eurydice. Avec ton esprit mal tourni, j'aurais pu te croire, j'aurais pu avoir la faiblesse de me laisser convaincre. Merci tout court, c'est formidable. Et pourquoi? Comment pourquoi? Pourquoi est-ce formidable? Ce merci n'a aucun sens. Par exemple, ce cheval me dicte la semaine dernière une des phrases les plus émouvantes du monde. Oh, oh, me dicte une des phrases les plus émouvantes du monde. Je me propose de la mettre en œuvre pour transfigurer la poésie. J'immortalise mon cheval et tu t'étonnes de l'entendre me dire merci. Ce merci est un chef-d'œuvre de tact. Et moi qui croyais, il enlace le cou du cheval. Eurydice, écoute Orphée, mon amour, ne me gronde pas, sois juste. Avoue que depuis cette fameuse phrase, tu obtiens un mot, un seul, et que ce mot n'est guère poétique. C'est ton, ce qui est poétique et pas poétique. Eurydice, Aglaonis faisait tourner les tables et sa table répondait toujours ce mot-là. Allons bon, il ne manquait plus que de mêler cette personne à nos affaires. Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus qu'on me parle d'elle. Une femme dont l'influence a failli te perdre. Une femme qui boit, qui promène des tigres, qui tourne la tête de nos épouses, qui empêche les jeunes filles de se marier. Mais c'est le culte de la lune, ah bravo! Je t'engage à la défendre. Retourne chez les Bacchantes, puisque leurs mœurs te plaisent. Je te taquine. Tu sais bien que je n'aime que toi et que tu n'as eu qu'un signe à faire pour que je quitte ce milieu. Joli milieu. Je n'oublierai jamais la voix avec laquelle Aglaonis me dit « Emmenez-la, puisqu'elle accepte. Les femmes bêtes adorent les artistes. Rira bien qui rira le dernier. » J'en ai eu froid dans le dos. Si je la retrouve, il frappe l'encrier contre la table. Eurydice, Orphée, mon poète, regarde comme tu es nerveux depuis ton cheval. Avant, tu riais, tu m'embrassais, tu me berçais, tu avais une situation superbe. Tu étais chargé de gloire, de fortune. Tu écrivais des poèmes qu'on s'arrachait et que toute la Thrace récitait par cœur. Tu glorifiais le soleil, tu étais son prêtre et un chef. Mais depuis le cheval, tout est fini. Nous habitons la campagne, tu as abandonné ton poste et tu refuses d'écrire. Ta vie se passe à dorloter ce cheval, à interroger ce cheval, à espérer que ce cheval va te répondre. Ce n'est pas sérieux. Orphée, pas sérieux. Ma vie commençait à se faisander, à être à point, à puer la réussite et la mort. Je mets le soleil et la lune dans le même sac. Il me reste la nuit, et pas la nuit des autres, ma nuit. Ce cheval entre dans ma nuit et il en sort comme un plongeur. Il en rapporte des phrases. Ne sens-tu pas que la moindre de ces phrases est plus étonnante que tous les poèmes? Je donnerais mes œuvres complètes pour une seule de ces petites phrases où je m'écoute comme on écoute la mer dans un coquillage. Pas sérieux! Que te faut-il, ma petite? Je découvre un monde. Je retourne ma peau. Je traque l'inconnu. Tu vas encore me citer la fameuse phrase. Oui! Il remonte vers le cheval et récite. Madame Eurydice reviendra des enfers. Elle n'a aucun sens, cette phrase. Ah, il s'agit bien de sens. Colle ton oreille contre cette phrase. Écoute le mystère. Eurydice reviendra serait quelconque. Mais Madame Eurydice reviendra, se reviendra, ce futur et la chute des enfers. Tu devrais être contente que je parle de toi, Eurydice. Ce n'est pas toi qui en parle, montrant le cheval. C'est lui, Orphée. Ni lui, ni moi, ni personne, que savons-nous, qui parle. Nous nous cognons dans le noir, nous sommes dans le surnaturel, jusqu'au cou. Nous jouons à cache-cache avec les dieux, nous ne savons rien, rien, rien. Madame Eurydice reviendra des enfers. Ce n'est pas une phrase, c'est un poème du rêve, une fleur du fond de la mort. Et tu espères convaincre le monde, faire admettre que la poésie consiste à écrire une phrase, avoir du succès avec ta phrase de cheval. Il ne s'agit pas de succès, ni de cheval, ni de convaincre le monde. Du reste, je ne suis plus seul. Ne me parle pas de ton public. 4 ou 5 jeunes brutes sans cœur qui te croient un anarchiste et une douzaine d'imbéciles qui cherchent à se faire remarquer. J'aurais mieux. J'espère un jour charmer les vraies bêtes. Puisque tu méprises le succès, pourquoi envoyer cette phrase au concours de Thrace? Pourquoi attacher une importance pareille à remporter le prix? Il faut jeter une bombe. Il faut obtenir un scandale, il faut un de ces orages qui rafraîchissent l'air. On étouffe, on ne respire plus. Nous étions si calmes, trop calmes. Tu m'aimais, je t'aime, tu aimes le cheval, je passe en second. Ah, tu es stupide, il n'y a aucun rapport. Il embrasse distraitement Eurydice et s'approche du cheval. N'est-ce pas, mon vieux? N'est-ce pas, mon vieux frère? Hein? On l'aime, son ami. Tu veux un sucre? Alors embrasse-moi. Non, mieux. Là, là, qu'il est beau. Tiens! Il sort du sucre de sa poche et le donne au cheval. C'est bon. Eurydice, je n'existe plus. Je mourrais que tu ne t'en apercevrais pas. Nous étions morts sans nous en apercevoir. Viens près de moi. Hélas, il faut que je sorte. Je vais en ville me mettre en règle pour le concours. C'est demain la date limite. Je n'ai pas une minute à perdre. Orphée, mon Orphée, tu vois ce socle vide. Je n'y poserai qu'un buste digne de moi. Ils te lanceront des pierres. Je ferai mon buste avec. Méfie-toi des bacchantes. Je les ignore. Elles existent, elles plaisent. Je connais leur méthode. Aglaonis te hait. Elle doit prendre part au concours. Oh, cette femme, cette femme. Sois juste, elle a du talent, hein? Dans un genre affreux, c'est entendu. Mais sous un certain angle, sur un certain plan, elle en a. Elle a de belles images. Voyez-vous cela? Sous un certain angle, sur un certain plan, c'est chez les bacchantes que tu as appris cette façon de parler. Alors, sur un certain plan, ces images te plaisent. Sous un certain angle, tu approuves mes ennemis mortels. Et tu m'aimes. Et tu prétends que tu m'aimes. Eh bien, par cet angle et par ce plan, je déclare que j'en ai assez. Qu'on me persécute et que ce cheval est la seule personne qui sache me prendre ici. Coup de poing sur la table. Eurydice. Ce n'est pas la peine de casser tout. Hey, casser tout, c'est le comble. Madame casse un carreau par jour et maintenant c'est moi qui casse tout. D'abord, Orphée qui marche de long en large. Je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire que tu n'as pas encore cassé de carreau aujourd'hui. Mais, eh bien, casse, casse le carreau. Comment peux-tu te mettre dans un état pareil? Voyez la fine mouche. Tu ne casses pas de carreau parce que je sors. Hé, que veux-tu insinuer? Oh, tu me crois donc aveugle? Tu caches chaque jour un carreau pour que le vitrier monte. Eh bien, oui. Je casse un carreau pour que le vitrier monte. C'est un brave garçon, plein de cœur. Il m'écoute, il t'admire, trop aimable. Et quand tu interroges le cheval et que tu me laisses toute seule, je casse le carreau. Tu n'es pas jaloux, je suppose. Jaloux, moi? Jaloux d'un garçon vitrier? Pourquoi ne serais-je pas aussi jaloux d'Aglaonis? Ah, par exemple, tiens, puisque tu refuses de casser le carreau, c'est moi qui le casserai. Cela me soulagera. Il casse un carreau. On entend « Vitrier, vitrier, vitrier, hep, vitrier !» Il monte, chaloux. Eurtebise apparaît sur le balcon. Le soleil frappe ses vitres. Il entre, plie un genou et croise les mains sur son cœur. Eurtebise. Bonjour, messieurs et dames. Ah, bonjour, mon ami. C'est moi qui ai cassé le carreau. Remettez-le, je vous laisse. Eurydice, ma chère, vous surveillez le travail au cheval. On l'aime, son poète. Il l'embrasse. À ce soir, il sort. Eurydice. Vous voyez, je n'invente rien. C'est inouï. Vous me comprenez? Ma pauvre dame, depuis que ce cheval l'a suivi dans la rue, depuis qu'il l'a ramené à la maison, depuis qu'il habite chez nous, depuis qu'il se parle, le cheval lui a encore parlé, il lui a dit merci. Il sait le prendre. Bref, depuis un mois, notre existence est devenue un supplice. Vous ne pouvez pas être jalouse d'un cheval. J'aimerais mieux lui savoir une maîtresse. Vous le dites. Sans vous, sans votre amitié, je serais déjà folle. Chère Eurydice, Eurydice, elle se regarde dans le miroir, sourit. Figurez-vous que j'ai une petite lueur. Il s'est rendu compte que je cassais un carreau chaque jour. Alors, au lieu de dire que je casse du verre blanc pour me porter la chance, j'ai dit que je le cassais pour que vous montiez me voir. J'aurais cru... Attendez. Il m'a fait une scène et il a cassé le carreau. Je le crois encore jaloux, comme vous l'aimez. Plus il me maltraite, plus je l'aime. Il m'avait déjà semblé qu'il était jaloux d'Aglaonis. D'Aglaonis ? Il déteste tout ce qui se rapporte à mon ancien milieu. C'est pourquoi je crains que nous ne commettions une imprudence terrible. Parlons bas. J'ai toujours peur que ce cheval ne m'écoute. Il remonte sur la pointe des pieds jusqu'à la niche. Eurtebise. Il dort. Il redescend au premier plan. Eurydice. Vous avez vu Aglaonis? Oui. Orphée vous tuerait s'il la prenait. Il ne la prendra pas. Eurydice. Elle l'entraîne encore plus loin du cheval vers sa chambre. Vous avez la chose? Je l'ai. Sous quelle forme? Sous la forme d'un morceau de sucre. Quelle attitude avait-elle? Très simple, elle m'a dit « donnant, donnant ». Voici le poison, rapportez-moi la lettre. C'est une lettre fort ennuyeuse pour elle. Elle a même ajouté, pour que la petite ne se compromette pas, je vous remets une enveloppe, mon adresse et de ma propre écriture. Elle n'aura qu'à introduire la lettre dedans et à coller. Il ne restera aucune trace de notre échange. Eurydice. Orphée est injuste, elle est capable de choses très bien. Elle était seule? Avec une amie, ce n'était pas un milieu pour vous. Certes, mais je ne trouve pas qu'Aglaoni soit une mauvaise fille. Méfiez-vous des bonnes filles et des braves garçons. Voilà votre sucre. Merci. Elle prend le sucre avec crainte et s'approche du cheval. J'ai peur. Vous reculez ? Je ne recule pas, mais j'ai peur, à froid, nez à nez, avec l'acte, j'avoue que je manque de courage. Elle redescend devant la table à écrire. Hortebise. Quoi, mon petit Hortebise ? Vous ne consentiriez pas... Ah, vous me demandez une chose bien grave. Vous m'avez dit que vous feriez n'importe quoi pour me rendre service. Je le répète, mais... Oh, mon cher, si cela vous gêne le moins du monde, n'en parlons plus. Passez-moi le sucre. Merci. Vous êtes un brave cœur. Seulement, l'acceptera-t-il de ma main ? Essayez toujours, Hortebise, près du cheval. Je vous avoue ne pas me sentir très fort sur mes jambes. Mais soyez un homme ! Elle passe à droite et s'arrête près de la porte de sa chambre. Hortebise, allons-y. Cheval ? Eurydice regardant par la fenêtre. Hé, ciel ! Orphée, il rentre, il traverse le jardin, vite, vite ! Ayez l'air de travailler ! Hortebise jette le sucre sur la table, servie, et la pousse contre le mur, entre la fenêtre et la porte de la chambre. « Montez, montez sur cette chaise !» Hortebise monte sur la chaise, dans le cadre de la porte-fenêtre, et feint de prendre des mesures. Eurydice tombe assise sur la chaise de la table à écrire. « Orphée !»« Ah, j'ai oublié mon acte de naissance. Où l'ai-je mis ?»« En haut de la bibliothèque, à gauche. Veux-tu que je le cherche ?»« Reste assise. Je le trouverai bien moi-même. » Il passe devant le cheval, le caresse, prend la chaise sur laquelle Hortebise se tient debout et l'emporte. Hortebise reste dans sa pose, suspendu en l'air. Eurydice étouffe un cri. Orphée, sans s'apercevoir de rien, monte sur la chaise devant la bibliothèque et dit « Le voilà !» Prend l'acte de naissance, descend de la chaise, la rapporte à sa place sous les pieds d'Hortebise et sort. Eurydice. « Hortebise, m'expliquerez-vous ce prodige ? Quel prodige ? Vous n'allez pas me dire que vous ne vous êtes aperçu de rien et qu'il est naturel qu'un homme sous lequel on ôte une chaise reste suspendu en l'air au lieu de tomber. Suspendu en l'air ? Ben, jouez la surprise, je vous ai vu. Vous teniez en l'air, vous restiez en l'air à 50 cm du sol. Il y avait le vide autour. Vous m'étonnez beaucoup. Vous êtes demeuré une bonne minute entre terre et ciel. C'est impossible. Ah, justement, parce que c'est impossible, vous me devez une explication. Vous prétendez que je me tenais sans support entre le plancher et le plafond. Ne mentez pas, Hortebise. Je vous ai vu, de mes yeux vu. J'ai eu toutes les peines du monde à étouffer un cri. Dans cette maison de fous, vous étiez mon dernier refuge, la seule personne qui ne m'effrayait pas, auprès de laquelle je retrouvais mon équilibre. Mais on a beau vivre avec un cheval qui parle, un ami qui flotte en l'air devient forcément suspect. Ne m'approchez pas, ne m'approchez pas. Jusqu'à nouvel ordre, même votre lumière dans le dos me donne la chair de poule. Expliquez-vous, Hortebise. Je vous écoute. Je n'ai pas à me défendre. Ou je rêve. Où vous avez rêvé. Oui, en rêve, il arrive qu'on fasse ce que vous avez fait, mais nous ne dormions ni l'un ni l'autre. Vous devez être le jouet d'un mirage entre mes vitres et les vôtres. Il arrive que les objets mentent. J'ai vu à la fois une dame marcher au plafond. Ah, il ne s'agissait pas d'une machine. C'était beau et atroce. L'espace d'une seconde, je vous ai vu atroce comme un accident et beau comme l'arc-en-ciel. Vous étiez le cri d'un homme qui tombe par la fenêtre et le silence des étoiles. Vous me faites peur. Je suis trop fange pour ne pas vous le dire. Si vous voulez vous taire, taisez-vous, mais nos rapports ne peuvent plus être les mêmes. Je vous croyais simple, vous êtes compliqué. Je vous croyais de ma race, vous êtes de celle du cheval. Eurydice, ne me torturez pas, vous avez une voix de somnambule, c'est vous qui me faites peur. Ah, n'employez pas le système d'Orphée, ne retournez pas les rôles, n'essayez pas de me faire croire que je suis folle. Eurydice, je vous jure, inutile Hortebise, j'ai perdu ma confiance en vous. Que faire ? Attendez. Elle se dirige vers la bibliothèque, monte sur la chaise, prend un livre, l'ouvre, en retire une lettre et le remet en place. Donnez-moi l'enveloppe d'Aglaonis. Il la donne. Merci. Elle met la lettre dans l'enveloppe et lâche la colle. Vous vous êtes coupé la langue ? Non, non, mais cette colle a un drôle de goût. Prenez l'enveloppe, vous la porterez chez Aglaonis. Allez. La vitre n'est pas remise, je me passerai de vitre. Allez. Vous voulez que je parte ? J'ai besoin de rester seul. Vous êtes méchante. Je n'aime pas les fournisseurs qui volent. Ce jeu de mots cruel est indigne de vous. Ce n'est pas un jeu de mots. Hortebise, il ramasse son sac. Vous regretterez de m'avoir fait du mal. Vous me chassez. Le mystère est mon ennemi. Je suis décidé à le combattre. Je sors. Je veux vous plaire par mon obéissance. Adieu, madame. Adieu. Ils se croisent. Eurydice se dirige vers sa chambre. Eurtebige ouvre la porte et sort. La porte reste ouverte. On voit son dos briller, immobile, au soleil. Tout à coup, Eurydice s'arrête et change de visage. Elle chancelle, porte la main à son cœur et se met à crier. Eurtebige! Eurtebige, vite, vite! Qu'y a-t-il? Au secours! Vous êtes glacée, mais vous êtes verte! Je me paralyse. Mon cœur saute. Mon ventre brûle. L'enveloppe! Quoi, l'enveloppe? L'enveloppe d'Aglaonis. Vous l'avez léchée. Vous avez dit qu'elle avait un drôle de goût. Ah! La misérable, courez vite, ramenez Orphée, je meurs, je veux revoir Orphée, Orphée, Orphée. Je ne peux pas vous laisser seul, il doit y avoir quelque chose à faire, un contre-poison à prendre. Ah, je connais ce poison des vacances, il paralyse, rien ne me sauvera, courez vite, ramenez Orphée, je veux le revoir, je veux qu'il me pardonne, je l'aime, Eurtebise, je souffre, si vous hésitez, il sera trop tard, je vous le demande à genoux. Eurtebise, Eurtebise, vous êtes bon, vous me plaignez. Ah, on m'enfonce des pointes entre les côtes. Vite, vite, courez, volez, prenez le raccourci. S'il rentre, vous le rencontrerez en route. Je vais me coucher dans ma chambre pour vous attendre. Aidez-moi. Eurtebise la mène jusqu'à sa chambre. Vite, vite, vite. Elle disparaît au moment où Eurtebise va ouvrir la porte. Elle sort de la chambre. Eurtebise, écoutez, si vous savez des choses, enfin des choses comme tout à l'heure, qui permettent de se transporter instantanément d'un point à un autre. Il ne faut pas m'en vouloir. J'étais nerveux, j'étais seul. Je vous aime bien, Eurtebige. Essayez tout. Ah ! Elle rentre dans la chambre, Eurtebige. Je le ramènerai, je vous le promets. Il sort. La scène reste vide un instant. La lumière change, roulement et syncope de tambour qui accompagnent dans sourdine toute la scène suivante. La mort entre en scène par le miroir suivi de ses deux aides. Elle est en robe de bal sous un manteau. Ses aides ont l'uniforme des chirurgiens. On devine leurs yeux. Le reste du visage est recouvert par du linge, gants de caoutchouc. Ils portent deux grandes valises noires, très élégantes. La mort marche vite et s'arrête au milieu de la chambre. La mort. Dépêchons-nous. Raphaël. Où madame veut-elle que je pose les sacs? Par terre, n'importe où, Azrael vous expliquera. Azrael, mon manteau. Il enlève le manteau. Raphaël. C'est la peur de me tromper qui me fait faire des bêtises. La mort. Vous ne pouvez pas prendre en deux jours le métier d'Azrael. Azrael est à mon service depuis plusieurs siècles. Il était comme vous au début, ma blouse. Azrael sort la blouse blanche d'un des sacs et aide la mort à la passer sur sa robe de bal. Azrael à Raphaël. Prends les boîtes de métal et mets-les sur la table. Non, d'abord les serviettes. Couvre la table avec les serviettes. La mort se dirigeant vers le lavabo. Azrael vous dira que j'exige l'ordre et la propreté comme sur un bateau. Raphaël. Oui, madame. Que madame me pardonne, mais j'étais distrait. Je regardais ce cheval. La mort qui se lave les mains. Il vous plaît, ce cheval? Raphaël. Oh oui, madame, beaucoup. La mort, quel enfant. Je suis sûr que vous aimeriez l'avoir. C'est très simple. Azrael, l'alcool. Raphaël. Vous trouverez un morceau de sucre sur l'autre table. Raphaël. Oui, madame, il y est. La mort. Donnez-le-lui. S'il refuse, je le lui donnerai moi-même. Azrael, mes gants de caoutchouc. Merci. Elle met le gant de la main droite. Raphaël. Madame, le cheval refuse le sucre. La mort prend le sucre. Mange, cheval, je le veux. Le cheval mange, recule et disparaît. Un rideau noir ferme la niche. Et voilà, à Raphaël. Il est à vous, Raphaël. Madame est trop bonne, la mort mettant le gant de la main gauche. Il y a encore une semaine, vous pensiez que j'étais un squelette avec un suaire et une faux. Vous représentiez un croque-mitaine, un épouvantail, Raphaël. Oh, madame. Pendant ces répliques, Azrael cache le miroir avec un linge. La mort allant prendre la chaise laissée par Eurtebise dans la porte-fenêtre. Si, tous le croient, mais mon pauvre garçon, si j'étais comme les gens veulent me voir, ils me verraient, et je dois entrer chez eux sans être vu. Elle pose la chaise près de la rampe au milieu. Azrael, essayez le contact. Azrael, il marche, madame. Rumeur profonde d'une machine électrique. La mort, elle tire un mouchoir de sa blouse. Parfait. Raphaël, voulez-vous avoir l'obligeance de me bander les yeux avec ce mouchoir? Pendant que Raphaël lui bande les yeux. « Nous avons une onde 7 et une zone 7-12. Réglez tout sur 4. Si j'augmente, vous irez jusqu'à 5. Ne dépassez 5 sous aucun prétexte. Serrez fort. Faites un nœud double. Merci. Vous êtes à vos postes ?» Azrael et Raphaël se tiennent derrière la table, côte à côte, debout, les mains à l'intérieur des boîtes de métal. « Je commence. » Elle s'approche de la chaise, gesticulation lente de masseuse et d'hypnotiseur autour d'une tête invisible. « Raphaël. » Azrael. Azrael. Chut. La mort. Parlez, vous ne me dérangez pas. Raphaël. Azraël, où est Eurydice ? La mort, je m'y attendais. Tu vois, Azraël, tous la même question. Explique-lui. Azraël, la mort, pour toucher les choses de la vie, traverse un élément qui les déforme et les déplace. Nos appareils lui permettent de les toucher où elle les voit, ce qui évite des calculs et une perte de temps considérable. Raphaël, c'est comme pour tirer un poisson dans l'eau avec une arme à feu. La mort, si vous voulez. Azraël, prépare-moi la bobine. Azraël, oui, madame. Madame, c'est elle où est Heurtebise ? La mort, il ramène Orphée de la ville. Raphaël, s'il court, aurons-nous le temps de finir ? La mort, ceci regarde Azraël, il change nos vitesses. Une heure pour moi doit être une minute pour eux. Azraël, l'aiguille dépasse 5. Madame veut-elle la bobine ? La mort, amorce-la et donne-la-moi. Azraël disparaît chez Eurydice et rentre en scène avec la bobine. La mort compte les pas entre sa chaise et la chambre. Puis elle s'arrête face à la porte. Azraël lui remet la bobine, sorte de maître automatique où s'enroulera un fil blanc qui sort de la chambre. Azraël, Raphaël, vous avez le chronomètre ? Raphaël, je l'ai oublié. Azraël, nous voilà propres, la mort. Ne vous énervez pas, il y a un moyen très simple. Elle parle bas à Azraël. Azraël, il s'approche de la rampe. Mesdames, messieurs, la mort me charge de demander à l'assistance si un spectateur serait assez aimable pour lui prêter une montre. Un monsieur qui, au premier rang, lève la main. Merci, monsieur. Raphaël, voulez-vous prendre la montre de monsieur ? Jeu de scène. La mort. Vous y êtes ? Azraël, partez ! Roulement de tambour, le fil s'échappe de la chambre et entre dans la boîte tenue par la mort. Azraël et Raphaël, au fond, tournent le dos. Azraël compte avec une main en l'air comme un arbitre de boxe. Raphaël exécute lentement des signaux, pareils à ceux du code naval. Azraël, hop ! Le roulement de tambour s'arrête. Raphaël s'immobilise, le fil résiste. La mort se rue dans la chambre, elle en sort sans le bandeau qui lui couvrait les yeux, avec une colombe qui se débat, attachée au bout du fil. On n'entend plus la machine, la mort. Ouf, ouf, vite, vite, Raphaël, les ciseaux. Elle court sur le balcon. Venez ici, elle coupe. Il coupe le fil, la colombe s'envole. Rangez la bande, Azraël, montre-lui, c'est très simple. Laisse-le faire, il faut qu'il apprenne. Azraël et Raphaël enferment les boîtes de métal, la blouse, etc. La mort s'appuie contre la table de droite. Elle regarde le vide avec une fatigue profonde. Elle passe lentement son bras droit et sa main sur son front comme un somnambule qui se réveille, comme pour sortir de l'hypnose. Azraël, tout est en place, madame. La mort, et maintenant, fermez, bouclez, je suis prête. Mon manteau. Azraël lui passe le manteau sur les épaules pendant que Raphaël ferme les sacs. Nous n'oublions rien. Azraël, non, madame. La mort, alors, en route. Le monsieur de l'orchestre, psst. Azraël, ah, c'est juste. La mort, qu'est-ce que c'est ? Azraël, la montre. Raphaël, reportez la montre à monsieur en le remerciant. Jeu de scène. La mort, Raphaël, dépêchez-vous. Raphaël, voilà madame, j'arrive. La mort se hâte et s'immobilise, le bras tendu devant le miroir. Puis elle y pénètre, ses aides la suivent. Ils exécutent la même manœuvre sur la table de droite, bien en évidence. Elle a oublié ses gants de caoutchouc.